Bonjour à tous, ici Gloop au micro pour vous présenter le direct live from the Alsace du dimanche 2 août 2009. Il est 17h heure française, 15h en temps universel. Et le programme aujourd'hui sera consacré à de la musique ambiante, donc avec donc différents artistes, notamment Christopher McFall, Preslav Literary School, Phoebus, et puis bon, peut-être d'autres en fonction du temps qui nous reste. Et puis alors quelques nouvelles aussi rapides hein, de l'Opsy, du filtrage, de Adopi, de ce genre de joyeuseté là qu'on nous prépare, qu'on essaye de nous préparer pour nous faire un internet chinois pourvu que ça ne, débouche pas sur des élections iraniennes pour la suite. Donc je salue ceux qui sont déjà sur le chat, c'est-à-dire Julkien, Anti-Blues, Machlou, Geek Shadow et Lamerteuil. Et qui sont peut-être pour une bonne partie à l'écoute de l'émission. Générique d'aujourd'hui, ben c'est un nouveau générique. Il s'agit de... ça s'appelle « Messieurs, nous ne sommes pas dans une crèmerie chevaline et je me gosse de vos souffleries ». Ça, c'est le titre pour ce générique qui est sous licence art libre et puis qui est candidat à être également donc recyclé dans le... pour être trituré, mélangé et resservi pour refaire un générique de 2 minutes s'il y a des volontaires pour ça. Ça, c'était pour le générique, mais on passe aussi à la musique proprement dite. La musique proprement dite, c'est-à-dire ce que j'avais annoncé, Christopher McFall, qui nous a fait un truc qui s'appelle Self-Preservation Intact with Teeth, auto-préservation, auto-conservation intacte avec les dents. Ah oui, ben... il a rien aux dents, et c'est donc il a bien conservé, voilà. Et c'est sous licence Creative Commons by NCND. Donc c'est le net label Test Tube qui nous a sorti ça le 19 février 2009. À l'instant, c'était Self-Preservation Intact with Teeth de Christopher McFall, sous licence Creative Commons by NCND. Donc une émission qui aujourd'hui est entièrement consacrée à la musique ambiante. Et donc ce direct live from the Alsace va continuer dans sa deuxième partie, là tout à l'heure. Juste après ce générique donc de dodécaèdre qui s'appelle Acid New Year ANY, donc qui est sous licence art libre et qui est candidat à être trituré, mélangé et servi pour faire un nouveau générique de 2 minutes, celui-là aussi, pour au cas où il y aurait des volontaires. Et sur le chat en ce moment, ben il y a toujours les auditeurs présents, donc il y a Julquien, Anti-Blues, Machelou, Geek Shadow et La Merteuil, que je remercie. Donc la deuxième partie, juste après ça. It is nothing serious.